nyakati zote za mwendo sitasumbuka, kwa kuwa Mungu ni Baba yangu kabisa. Hawezi kunisahau mimi, ingawa kijificha sijaiona. Nini siku Itadi